8. La surprise. On va voir maintenant se presser les événements. Nicolas n'est plus ce jeune homme naïf et simple, amant des solitudes et des muses latines. D'abord un petit paysan rude et sauvage, puis un studieux élève des jansénistes, puis encore un amoureux idéal et platonique, à qui une femme apparaît comme une fée, qu'il n'ose même toucher de peur de faire évanouir son rêve. L'air de la ville a été mortel pour cette âme indécise, énergique seulement dans son amour de la nature et du plaisir. Grâce aux conseils perfides qu'il s'est plu à entendre, grâce à ses livres d'une philosophie suspecte, où la morale a les attraits du vice et le masque de la sagesse, le voilà maintenant dégagé de tout frein, portant dans un esprit éclairé trop tôt cette froide faculté d'analyse que l'âge mûr ne doit qu'à l'expérience, et se précipitant ainsi armé dans une atmosphère de divertissement grossier, dont l'habitude s'explique chez ceux qui s'y livrent d'ordinaire par l'ignorance d'une meilleure façon de vivre. L'indulgence de Madame Parangon, cette douce pitié, cette sympathie exquise pour un amour honnête qui s'égare, il n'en a pas senti toute la délicatesse. Il a cru comprendre que la noble femme n'était pas aussi irritée qu'il l'avait craint de sa tentative nocturne. Cependant, toutes les fois qu'il se trouvait seul avec elle depuis, elle ne lui reparlait plus que de son projet de le marier à sa sœur. Et lui-même, par instant, se prenait à penser qu'il trouverait un jour dans cet enfant une autre Colette. Elle avait ses traits charmants, en effet. Elle promettait d'être son image, mais que de temps il fallait attendre. Dans ses retours de vertu, il devenait rêveur. Et Madame Parangon ne pouvait lui refuser une main, un sourire qu'il demandait hypocritement, comme un mirage du bonheur légitime réservé à son avenir. Elle comprit le danger de ses entretiens, de ses complaisances, et lui dit « Il faut vous distraire. Pourquoi n'allez-vous pas aux fêtes, aux promenades, comme les autres garçons ? Tous les soirs et tous les dimanches, vous restez à lire et à écrire. Vous vous rendrez malade. »« Eh bien, se dit-il, c'est cela. Il faut vivre enfin. » Et il se précipita dès lors, avec la rage des esprits mélancoliques, des esprits déçus, dans tous les plaisirs de cette petite ville d'Auxerre, qui n'était alors guère plus vertueuse que Paris. Le voilà devenu le héros des bals publics, le bout en train des réunions d'ouvriers. Ses camarades étonnés l'associent à toutes leurs parties. Ils leur enlèvent leur maîtresse. Ils passent de la brune Marianne à la piquante Aglaé Ferrand. La douce Aimée Servigné, la coquette Delphine Baron, se disputent ses préférences. Il leur fait des vers à toutes deux, des vers du temps dans le goût de Chaulieu et de Lafare. Il se plaît parfois à donner à ses liaisons un scandale, dont le bruit pénètre jusqu'à Madame Parangon. Il répond aux reproches qu'elle lui fait, l'œil mouillé de pleurs, en prenant des airs triomphants. « Il faut bien qu'un jeune homme s'amuse un peu, vous me l'avez dit. On en fait un meilleur mari plus tard. Voyez, Monsieur Parangon. » Et la pauvre femme le quitte sans répondre, et s'en va fondre en pleurs chez elle. Hélas, il a parfois la voix avinée, le geste hardi, les attitudes des mauvais goûts, des beaux danseurs de guinguette. Madame Parangon fait ses remarques avec douleur. Tout à coup, sa conduite change. Il était devenu sédentaire de nouveau, mais triste. Une de ses maîtresses éphémères, Madelon Baron, venait de mourir. Et sans qu'il l'aimât profondément, cette catastrophe avait répandu un voile de tristesse sur sa vie. Madame Parangon le plaignait sincèrement et avait pris part à sa douleur, qu'elle croyait sans doute plus forte. Sa méfiance avait cessé. Un dimanche qu'il se trouvait seul dans la maison, Tiennette étant allée faire une commission, Madame Parangon, qui rangeait des écheveaux de fil dans une haute armoire, appelle Nicolas pour lui en passer les paquets. Elle était montée sur une échelle double, et pendant qu'elle se faisait servir ainsi, l'œil de Nicolas s'arrêtait sur une jambe fine, sur un soulier de droguet blanc, dont le talon mince, élevé, donnait encore plus de délicatesse à un pied des plus mignons qu'on pût voir. On sait que Nicolas n'avait jamais su résister à une telle vue. Le charme redoubla lorsque Madame Parangon, ayant de la peine à descendre avec ses pieds engourdis, il se vit autorisé à la prendre dans ses bras et fut obligé de la déposer sur le tas de lin qui restait à terre. Comment dire ce qui se passa dans cet instant fugitif comme un rêve? L'amour longtemps contenu, la pudeur vaincue par la surprise, tout conspira contre la pauvre femme, si bonne, si généreuse, qui tomba presque aussitôt dans un évanouissement profond comme à la mort. Nicolas, enfin effrayé, n'eut que la force de la porter dans sa chambre. Tiennette rentrait. Il lui dit que sa maîtresse était trouvée mal. Il l'avait appelée. Il peignit son embarras et son désespoir, puis s'enfuit quand elle sembla revenir à la vie, n'osant supporter son premier regard. Tout s'est donc accompli. La pauvre femme, qui peut-être avait aimé en silence, mais que le devoir retenait toujours, ne se lève pas le lendemain matin. Tiennette vient seulement dire à Nicolas qu'elle est malade et que le déjeuner est préparé pour lui seul. tant de réserve, tant de bonté, c'est une torture nouvelle pour l'âme qui se sent coupable. Nicolas se jette aux pieds de Tiennette étonné. Il lui baigne les mains de ses larmes. « Oh, laisse-moi la voir, lui demander pardon à genoux, que je puisse lui dire combien j'ai regret de mon crime. » Mais Tiennette ne comprenait pas. « De quel crime parlez-vous, monsieur Nicolas ? Madame est indisposée. Seriez-vous malade aussi ? Vous avez la fièvre, certainement. »« Non, Tiennette, mais que je la voie. » »« Mon Dieu, monsieur Nicolas, qui vous empêche d'aller voir madame ?» Nicolas était déjà dans la chambre de la malade, prosterné près du lit. Il pleurait sans dire une parole, et n'osait même pas lever les yeux sur sa maîtresse. Celle-ci rompit le silence. « Qui l'aurait pensé, dit-elle, que le fils de tant d'honnêtes gens commettrait une action, ou du moins la voudrait commettre ?»« Madame, écoutez-moi. »« Ah, vous pouvez parler. Je n'aurai pas la force de vous interrompre. » Nicolas se précipita sur une main que madame Parangon retira aussitôt. Sa figure enflammée s'imprimait sur la fraîche toile des draps, sans qu'il pût retrouver un mot, rendre le calme à son esprit. Son désordre effraya même la femme qui l'avait si gravement offensée. « Le ciel me punit, dit-elle, c'est une leçon terrible. Je m'étais fait un rêve avec cette union de famille qui nous aurait rapprochés et rendus tous heureux, sans crime. Il n'y faut plus penser. Ah, madame, que dites-vous ? Tu n'as pas voulu être mon frère, s'écria madame Parangon. Et hélas, tu auras été l'amant d'une morte. Je ne survivrai pas à cette honte. Ah, ce mot-là est trop dur, madame. » Et Nicolas se leva pour sortir avec une résolution sinistre. « Il a donc encore une âme, dit la malade. Où allez-vous ? Où je mérite d'être ? J'ai outragé la divinité dans sa plus parfaite image. Je n'ai plus le droit de vivre. » « Restez, dit-elle. Votre présence m'est devenue nécessaire. Votre vue mutuelle entretiendra nos remords. Mon existence cruelle, jeune homme, dépend de la tienne. Ose à présent en disposer. » « Je suis indigne de votre sœur, dit Nicolas, fondant en larmes. Aussi bien eussé-je été son mari. C'est vous toujours que j'aurais aimé. C'est pour ne pas me séparer de vous que j'acceptais l'idée de cette union. Moi, vous êtes infidèle, même pour votre sœur, je ne le veux pas. » Et il s'enfuit en prononçant ces paroles. Il se rendit aux allées qui côtoyaient alors les remparts de la ville, cherchant à calmer l'exaltation morale qui l'aurait tué après les douleurs d'une scène pareille. C'était un lundi. La promenade était couverte d'ouvriers, en fête, qui jouaient à divers jeux. De jeunes filles qui se promenaient par groupes isolés, de deux ou trois ensemble. Nicolas reconnut là quelques habitués des salles de danse qu'il avait récemment fréquentées. Il essaya de se distraire en s'unissant à l'une de ces parties de plaisir qui du moins laissaient le cœur libre et calmaient l'esprit par une folle agitation. Après un repas qui eut lieu à la campagne, Nicolas quitta ses amis et ses pensées amères lui revenaient en foule. Lorsqu'en passant dans la rue Saint-Simon près de l'hôpital, il entendit de grands éclats de rire. C'étaient trois jeunes filles qui se moquaient d'une de leurs compagnes qu'elles avaient surprise se laissant embrasser par un pressier de l'imprimerie Parangon, nommé Tourangeau, gros homme fort laid, fort grossier d'ordinaire et un peu ivre ce soir-là. La pauvre jeune fille insultée ainsi s'était évanouie. Le pressier en fureur s'élança vers les belles rieuses et frappa l'une d'elles fort brutalement. Des jeunes gens étaient accourus au bruit et voulaient assommer Tourangeau. Nicolas s'élança le premier vers son camarade d'imprimerie et le prenant par le bras lui dit « Tu viens de commettre une vilaine action. Sans moi, on te mettrait en morceaux. Mais il faut une réparation. Battons-nous sur l'heure à l'épée. Tu as été dans les troupes, tu dois avoir du cœur. Je veux bien, dit Tourangeau. » On essaya en vain de les séparer. Un des jeunes gens alla chercher deux épées et à la lueur d'un réverbère, le duel commença dans toutes les règles. Nicolas savait à peine tenir son épée. Mais aussi Tourangeau n'était pas très solide sur ses jambes ce soir-là. Le pressier reçut un coup d'épée porté au hasard sans règle ni mesure et tomba le coup traversé d'une blessure qui rendait beaucoup de sang. L'atteinte n'était pas mortelle. Cependant, Nicolas fut obligé de se soustraire aux recherches de l'autorité. Il ne revit qu'un instant madame Parangon, dont le mari était revenu, et qui comprit ce qu'il y avait eu de désespoir et de secrète amertume dans l'action du jeune homme. Du reste, ce duel lui avait fait le plus grand honneur dans Auxerre, où il était désormais regardé comme le défenseur des belles. Cette renommée le poursuivit jusque dans sa famille, où il retourna pour quelque temps.